Chapitre 53e. Le réveil est trop beau. Ce fut au bout d'une longue heure, et ce que le docteur Montreuil leur dit devait les désespérer. « L'assassin n'a pas menti, » dit-il. « C'est la peste lépreuse, » virent en même temps Paulin Broquet et Miss Eden. « Oui, c'est la peste lépreuse. Oh, c'est odieux. C'est un crime qui dépasse en horreur tous les crimes de l'humanité, » s'écria Miss Eden. Le docteur ajouta. « Jusqu'à présent, la science n'est pas arrivée à lutter avec avantage contre cette épouvantable maladie. » Et, froidement, navré, il déclara. « J'ai fait ce que je pouvais scientifiquement faire. On ne peut rien de plus. Mais j'ai peur de constater l'inutilité de mes efforts. Dès maintenant, à mon avis, cette femme est condamnée à la mort la plus affreuse qui soit. » Paulin Broquet, Miss Eden écoutait, désolé, ses déclarations. Le docteur Montreuil reprit. J'ai bien, dans le sang prélevé, retrouvé le microbe de la peste, et je pouvais espérer que le sérum antipesteux serait efficace. Mais toujours dans ce sang, j'ai reconnu, à diverses modifications qui ne sauraient me tromper, hélas, que la marche du mal était, pour ainsi dire, foudroyante, et que j'arrive trop tard. Malgré cette saignée heureusement inspirée, mon cher ami, malgré cette adroite ligature, le poison doit déjà être passé dans la circulation générale, et mon sérum, qui peut être de bon secours dans les cas de peste ordinaire, ne saurait, je le crains, avoir une action suffisante dans ce cas de peste lépreuse. Cependant, le docteur Montreuil ajouta. Toutefois, il nous est défendu de désespérer. Nos plus belles guérisons ne sont-elles pas les plus invraisemblables? Cette peste, appelée lépreuse, parce qu'elle provoque les mêmes destructions que la lèpre, parce qu'elle commence par s'attaquer aux extrémités du corps, qu'elle ronge, qu'elle détruit, et à la figure qu'elle dévore avant de désorganiser le corps, a une marche extrêmement rapide au début, puis une progression plus lente, qui la rend d'autant plus épouvantable. La peste tue généralement le patient en peu de jours, en quelques heures parfois. La peste lépreuse mettra une ou deux semaines avant d'achever son œuvre, et pour ainsi dire, la mort ne vient délivrer le malheureux que quand le corps n'existe déjà plus. C'est épouvantable. Toutefois, disais-je, nous ne devons pas désespérer, tant que le dernier souffle n'est pas rendu. Si, tout à l'heure, quand Mme Garitza se réveillera, elle se déclare fatiguée, lasse, courbaturée. Si, dans la journée, plus tard, elle est prise d'accès de fièvre, alors, mes amis, nous ne nous féliciterons pas encore, mais nous pourrons regarder l'avenir avec beaucoup plus de tranquillité, d'assurance. Ces signes nous diront que le sérum agit, qu'il y a lutte avec le mal, et si je puis ainsi dire, que les microbes se livrent bataille, et nous prierons le Dieu des armées invisibles de donner la victoire aux soldats du bien et de la justice. Ce fut donc avec la plus grande anxiété que Miss Eden, le docteur Montreuil et Paulin Broquet attendirent, guettèrent le réveil de Mme Garitza. La potion que le docteur avait préparée et que Miss Eden avait fait absorber à la malade devait la tenir pendant plusieurs heures plongée dans le sommeil. Il fallait ce temps au docteur pour voir les effets de ses piqûres de sérum. À maintes reprises, Miss Eden alla sur la pointe des pieds voir Mme Garitza. « Elle dort toujours, » disait-elle chaque fois. Les premières fois que Miss Eden revenait en disant cela, le docteur Montreuil affirmait « C'est normal, c'est normal. » Or, quand un médecin dit « C'est normal », il faut s'attendre à quelque chose de promptement anormal. Puis, le temps passant, les heures succédant aux heures, alors que Mme Garitza dormait toujours, le docteur Montreuil, tout en disant « C'est normal », commençait à s'inquiéter. Si bien que Miss Eden, très fine, devina l'anxiété que le docteur Montreuil cherchait à ne pas laisser voir encore à ses amis. « Vous eussiez préféré, sans doute, » dit-elle au docteur, « que la malade ne dormît point si longtemps, d'un sommeil aussi calme. Oui, oui, j'aurais voulu déjà quelques manifestations de fièvre, des sueurs, des mouvements, des interruptions de sommeil. Un bon cauchemar m'aurait plongé dans la joie. » Paulin Broquet avait tenu à demeurer à la villa toute la journée. La mort s'assurait la surveillance, pendant que Gabriel et les autres hommes de la brigade continuaient leur besogne quotidienne. Le chef était tenu au courant heure par heure des événements qui se produisaient et de la situation par téléphone. Dans l'après-midi, il reçut une dépêche du colonel de Fongrive lui annonçant son arrivée dans une ville. « Merci, disait le télégramme, pour votre dévouement. Mon cœur est parmi vous. » Paulin Broquet donna le télégramme à lire à Miss Eden. « Le malheureux, dit-elle, et quelle douleur va frapper son pauvre cœur. » Mais elle ajouta. « Cependant, ce sera une joie encore pour elle. » Miss Eden était allée cueillir elle-même dans son jardin une gerbe de fleurs qu'elle disposa dans la chambre de Mme Garitza. Je veux, dit-elle, qu'à son réveil, tout soit plaisir pour elle et qu'il puisse lire ses mots d'amour dans un cadre de fleurs. Comme Miss Eden achevait à peine de ranger les fleurs, un soupir puis un mouvement de Madame Garitza lui apprirent que la malade finissait de dormir. Le réveil d'une femme est celui d'un enfant. Madame Garitza releva ses bras, se frotta les paupières, puis ouvrit ses yeux tout bleus, grandis, éblouis par le jour, et elle sourit. Elle sourit à la lumière, elle sourit à la vie. Elle sourit au bonheur qui devrait attendre, se trouver auprès du lit de chaque femme à son réveil. Ce fut la cuisson qu'elle ressentit au bras qui rappela en elle la notion de la réalité. Alors elle fut reprise par la vie, par l'angoisse. Ses yeux cherchèrent de tous côtés. Elle vit des fleurs, mais les fleurs, pour elle, ne pouvaient être des signes de joie. Ne mettons pas aussi des fleurs autour des cercueils. Sa douleur du bras lui rappela le crime, et celle qui s'éveilla dans un sourire se rappela qu'elle s'était endormie dans l'épouvante. Mais, avant que sa pensée eût pu s'attrister, Miss Eden se trouvait à son chevet. « Eh bien, jolie dormeuse, lui dit-elle en souriant, avez-vous fait de beaux rêves ?»« Il n'est pas pour moi de rêve assez beau, madame, pour valoir la douceur de votre présence. » « Vous avez donc deviné qu'un télégramme vous attendait ?»« Un télégramme ?»« Qu'a reçu mon mari ?»« Mais dont une grosse part est pour vous. » Miss Eden lui remit le bleu. Et Madame Garitza le relut lentement à plusieurs reprises, avec un bonheur grand, mais une surprise plus grande encore. « Comment ? » dit-elle enfin. « Le colonel est donc en voyage ?»« Oui, en inspection, une mission soudaine. Mon mari vous expliquera tout cela. » Puis elle demanda. « Voyons, maintenant, dites-moi, comment vous sentez-vous ? » « Mais très bien, ou tout à fait bien. Je suis absolument reposée, j'ai mes forces et me sens vaillante comme en mes meilleurs jours. Vous n'avez pas de douleur, pas de petites courbatures dans les membres, pas de fièvre. Non, non, même pas de douleur de tête, ce qui serait très compréhensible. Même pas de migraine. Je n'ai jamais été si bien portante. J'en suis extrêmement heureuse. » Pauvre femme, elle ne se doutait pas de la tragique portée de ses paroles. Ce qui la rendait si heureuse en ce moment était la marque infaillible de son épouvantable destin, de son malheur. Derrière la porte, le docteur guettait ce réveil. Il put entendre les dernières paroles. « Voilà ce que je craignais, » dit-il à Paulin Broquet anxieux. Miss Eden, qui connaissait la présence du docteur et son impatience à venir voir la malade, demanda à Madame Garitza si elle voulait bien recevoir son médecin. Sur son acceptation, le docteur Montret entra. Il conservait un dernier espoir. Peut-être la malade s'éveillait-elle entre deux accès de fièvre. Le premier avait été atténué, étouffé pour ainsi dire, par les effets de la potion calmante, et le second ne se manifestait pas encore. Mais il saurait facilement, lui, reconnaître l'état fébrile. Hélas, son dernier espoir s'en alla aussitôt. C'était bien le réveil d'un enfant qu'avait eu cette femme. Réveil calme et sans la moindre fatigue, sans la plus petite souffrance. C'était un gai et simple retour à la vie. Le docteur ne se sentit pas le courage de faire à la malade, trop bien portante vraiment, aucun compliment. Il lui demanda seulement si elle voulait supporter encore une piqûre de sérum. C'était la dernière chance à courir. Saturer ce corps empoisonné dès maintenant de sérum, provoquer par le remède à haute et fréquente dose une perturbation générale qui pouvait amener une crise, une telle modification que la lutte évitée à présent entre le mal et le remède s'engagerait dans de mauvaises et tardives conditions, mais s'engagerait quand même. Très complaisamment, Madame Garitza se soumit à la piqûre nouvelle, dont le docteur Montreuil poussa la densité aux extrêmes limites. Puis, l'autorisation fut donnée à la patiente de se lever, de manger, de se promener ensuite.